Oui. Tu peux monter un peu ton volume, hein. Non? Attends, fais voir. Côté gauche, je vois pas sur ta bénéfice. Ouais, je trouve des paroles. Quoi ce truc? Ah, ça y est, ça change. Enfin, en tes mains. trouver des paroles. Attends, ça va un peu craquer, c'est normal. Ça craque, c'est normal, c'est mon ordinateur. Chanson d'amour. Chanson d'amour que je pique un. Je pique. Ah putain, y'a de la pub ici. Je prends des paroles, y'a toujours de la pub, putain. Et j'arrive pas à trouver la croix pour fermer. Ça y est, voilà. Et là, on va se faire un. Attention, je suis prêt. Attends. Allez, c'est bon. Je chante après, je te laisse faire un solo. C'est nul ça, pourtant c'est du Aznavour ça putain. Ça va faire ça. Tu vas te prendre les paroles. Attends, je cherche une autre. Un truc plus facile. Hein. Tiens, c'est quoi ça? Chanson pour ça. Celle-là? Leila. Ah oui. Ah mais en anglais, je suis une buse. Hein. Si tu veux, je vais pas y jouer. Comment ça joue ça? Bah alors celle-là, celle-là, elle est super belle, mais je sais pas du tout. Cocaïne, c'est quoi? C'est quoi les accords? Tu connais les accords? Cocaïne? c'est pas ça les accords. Essayons de trouver les accords déjà. C'est quoi les accords de cocaïne? J'ai trouvé ça, je sais pas si ça vaut. Cocaine, c'est un morceau de JJ Cale rendu célèbre par Eric Clapton avec un riff légendaire et extrêmement simple à jouer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le riff de Cocaine, qui est basé sur les accords du titre et qui donne ceci. Ça va pas être bon. Ah, là, il met les accords en... les accords pour moi, là, un truc beaucoup plus simplé. J'ai trouvé ça en accord comme ça. Ah ben attends, mais il y a les paroles avec. Je peux fermer ça. En mi. Ouais, c'est plus aigu quoi. If you Bon. sans tromper, quoi, ça fait. Moi, je verrais plutôt, ça fait mi. Tu vas me dire le break ? Ça ferait comme ça, moi. Ça fait mi, dé. Tard. Moi je te fais une improvisation si tu veux faire les solos sur la même base. J'essaye de faire un truc dans le même style. Thank you. Mina Soloy. FX, c'est quoi ça?